Le baron remonta chez madame Marneffe le visage rayonnant et convaincu d'être le seul homme aimé de cette affreuse courtisane, aussi décevante, mais aussi belle, aussi gracieuse qu'une sirène. Crevel et Marneffe commençaient un second piquet. Crevel perdait, comme perdent tous les gens qui ne sont pas à leur jeu. Marneffe, qui savait la cause des distractions du maire, en profitait sans scrupule. Il regardait les cartes à prendre, il écartait en conséquence. Puis, voyant dans le jeu de son adversaire, il jouait à coup sûr. Le prix de la fiche étant de 20 sous, il avait déjà volé 30 francs au maire au moment où le baron rentrait. « Eh bien, dit le conseiller d'État, étonné de ne trouver personne, vous êtes seul ? Où sont-ils tous ? Votre belle humeur a mis tout le monde en fuite, répondit Crevel. Non, c'est l'arrivée du cousin de sa femme, répliqua Marneffe. Ces belles dames et ces messieurs ont pensé que Valérie et Henri devaient avoir quelque chose à se dire après une séparation de 3 années, et ils se sont discrètement retirés. Si j'avais été là, je les aurais retenus. Mais par aventure, j'aurais mal fait, car l'indisposition de Lisbeth, qui sert toujours le thé, sur les 10h30, a mis tout en déroute. « Lisbeth est donc réellement indisposée ? » demanda Crevel, furieux. « On me l'a dit, » répliqua Marneffe, avec l'immorale insouciance des hommes pour qui les femmes n'existent plus.